3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Bon, bah, c'est doux, hein. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Même s'il y a des semaines qui sont plus dures que les autres, et puis il y a des semaines qui seront peut-être encore compliquées dans les jours à venir. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un invité mystère. Moi, j'ai pas sorti le sac en carton pour me mettre sur la tête, mais notre ami Choubix se cache derrière son beau t-shirt. Choubix, Seb, j'espère que tu vas pas trop mal en ce lundi, parce qu'on enregistre lundi, c'est le lendemain d'une sale défaite. Bon, ça va quand même ? Alors, la santé, ça va. Le moral, la santé du petit cœur, beaucoup moins. Ah, le petit cœur orange et blue, il saigne un petit peu en ce moment et il va falloir être costaud. Mais on n'est pas là pour déprimer, on est là pour faire une sorte de séance de thérapie de Knicks fan en péril, pourquoi pas. Non, on va revenir sur tout ce qui s'est passé et on va essayer de se projeter et d'avoir un recul un petit peu à froid par rapport à une semaine. Ouh, bien compliqué. Allez, il y a plein de choses à dire, on perd pas plus de temps, on balance le jingle et on revoit ce qui s'est passé la semaine dernière. Les transitions sont un peu compliquées, mais la semaine dernière, eh ben, on a eu au moins notre première viewing party, la première KNF viewing party de la saison. C'était un plaisir de retrouver les adhérents. C'est au moins ça, l'intérêt d'avoir une association, c'est de pouvoir se rassembler, faire des événements, vivre la passion Orange and Blue, la passion basket, la passion NBA à plusieurs. Il y avait des têtes bien connues que vous retrouvez sur les photos. Il y avait des petits nouveaux, c'est sympa. Il y avait des familles, c'était bon esprit, bon enfant. Il nous manquait juste un bon match. C'était soirée Wakanda, hein, Wakanda Forever au MSJ. Du coup, bon, moi j'ai sorti la tenue noire. On est un peu en deuil. C'est pas forcément les meilleurs Knicks qu'on a eu ce dimanche. Mais au moins, à plusieurs, ça passe un peu mieux que de avoir son petit sub tranquille dans son canapé ou sur son écran de téléphone. Donc du coup, voilà, c'est au moins l'intérêt, l'avantage de ces événements, de ces viewing parties, c'est de se rassembler, c'est de passer du bon moment quand même ensemble, de refaire le monde, de critiquer les joueurs, les coachs, les arbitres, tout ce que vous voulez. C'est l'intérêt, donc venez à ces KNF Viewing Party, et comme on aime ça, bon, on va en refaire encore une, hein, c'est pas les défaites qui vont nous arrêter, et je vous annonce tout de suite, vous l'avez vu passer puisqu'on a communiqué dessus ce lundi, eh bien la nouvelle date, la nouvelle KNF Viewing Party arrive, il y en a une dès ce dimanche au Hideout, Paris-Gare du Nord, à 21h ce coup-ci, un petit peu plus tard, face aux Phoenix Suns. Une belle petite équipe qui nous avait battu la dernière fois avec un petit buzzer de Cam Johnson. J'allais dire Cam Reddish, attention, un Cam peut en cacher un autre. Cam Johnson, il sera pas là. Cam Johnson, il est un peu sur la touche. Les Phoenix Suns, c'est une grosse équipe. Mais bon, voilà, on sait jamais. Donc venez, on vous donne rendez-vous dimanche au Hideout à 21h pour la deuxième KNF Viewing Party, c'est une sorte de back-to-back, hein, deux dimanches de suite. Ça sera l'occasion de voir s'ils peuvent mieux jouer que contre le Thunder. Hein. Bon, ça, c'était la petite actu associative. On va pas tout de suite rentrer dans les sujets qui fâchent. On va quand même revenir sur les belles petites choses qu'il y a eu quand même dans la semaine. Il y en a eu. On a été dans une sorte de semaine de la Fashion Week. On a eu Ronnie Figg. Pas les figues, hein, le créateur de la marque Kiss, le designer du Queens, c'est un New Yorkais. Comme quoi, voilà, à New York, on a des créateurs qui sont inspirés par les Knickerbockers et qui, pour la troisième saison, a collaboré sur une collection avec sa marque, collection fashion. On a eu des artistes de la scène new-yorkaise hip-hop. On s'interrogeait avec Laurent la semaine dernière qui peut-être allait pouvoir faire l'apparition après Dipset, après The Lox. Et ben c'est Raekwon et Ghostface qui l'a. Les deux membres émérites du Wu-Tang Clan qui sont à l'affiche et qui ont représenté un petit peu l'état d'esprit new-yorkais dans une collection sap, textile plutôt sympa, plutôt onéreuse, on va dire, hein. Donc voilà, ça c'était la petite. Le petit côté pimpant brillant du début de semaine, ça se présentait plutôt bien. Les Knicks présentaient de belles petites choses. Pareil, il y a une petite collaboration avec le magazine, une édition collector limitée, magazine Slam, qui est disponible en vente en ligne avec Derrick Rose. Tiens, tiens, tiens, le fameux Derrick Rose, on va parler de lui un petit peu après. Et puis Jalen Brunson, la signature, le fils prodige de Rick Brunson, le filleul de Léon Rose. Tout ce beau petit duo était, on va dire, sur leur 31 pour illustrer la collection, pour faire un petit peu de buzz. Donc tout se préparait plutôt bien sur cette semaine. Hein. On avait des affiches, des matchs intéressants, voilà, des matchs plutôt du côté de Big Apple. On pouvait être assez confiant. Et puis, tout de suite, il y a eu quelque chose qui a commencé à rajouter un petit peu de grain de sel. Qu'est-ce qui s'est passé? Derrick Rose, bah voilà, qui revient de blessure tranquillement, parce qu'il nous a fait une quasi-saison blanche la saison dernière, qui nous fait des petites sorties dans les médias, comme quoi il est un petit peu perdu, il sait pas quel est son rôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Derrick? Comment t'as perçu cette petite sortie médiatique de Derrick Rose, le joueur préféré de Tom Thibodeau? Qui ne connaît pas le rôle qu'on lui attribue cette saison? C'est un peu curieux tout ça. Il y a de l'eau dans le gaz entre Tibbs et D-Rose. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'as perçu ça, toi, Seb, vis-à-vis de cette première sortie de la semaine par médias interposés? Alors moi, ce que je pense, c'est que Derrick Rose, aussi talentueux qu'il soit, en fait, il n'a jamais eu un meneur titulaire de la qualité de Brunson et qui, pour le coup, lui bouffe toutes ses minutes. C'est-à-dire que dans sa première, dans son comeback, il a Payton et Frank. Donc bon, Payton qui faisait les matchs et après rapidement, il l'a détrôné. Payton commençait. Et puis derrière, Rose faisait tout le boulot. La saison suivante, on a rapidement la blessure De Kemba, Kemba. de Kemba. Lui, donc, on envoie Burks. Lui se retrouve le backup de Burks. Et puis après derrière, bon, il se blesse aussi, donc forcément, ça aide pas. Et là cette année, on a donc Brunson qui est là, mais on a un backcourt qui est extrêmement chargé. C'est-à-dire que ben on a sur le backcourt, on a donc Ok, Brunson, enfin, ouais. on a Brunson, on a Barrett, on a Quickley, on a Grimes, on a D-Rose. Bon, Juice, je le compte pas parce qu'il rentre que pour le garbage Mais et bon, encore. il est plus ou moins par là, donc ouais. Et après, il y a des minutes qui sont également données parce que Cam, lui, c'est plus sur la rotation avec RJ Barrett. Donc, au final, ben, il y a tout ce beau monde qui doit se partager 48 minutes. En sachant que ben, on a deux personnes qui en mangent déjà 30, RJ Barrett et Brunson. Et forcément, ben, à un moment donné, ben, il faut couper le reste du gâteau. Ouais, y a une sorte d'embouteillage sur les minutes, mais ce qui est Exactement. curieux, c'est que D-Rose, bon, il a signé, il a prolongé, il a pris son chèque, hein, on va plus en revenir là-dessus, mais depuis qu'il est arrivé à New York, depuis qu'il est arrivé aux Knicks, il a un rôle de backup, il a un Bien rôle en sûr, sortie de bien banc. sûr. L'an dernier, Kemba arrive, il dit non, non, pas de problème, Kemba c'est le meneur titulaire, moi je suis en second, il n'y a pas de souci, ça me va très bien. La conférence de presse Media Day, on se rappelle le petit bonnet, torse poil, les petits biceps. Regardez, j'ai fondu, j'ai arrêté les bonbons. Super, bon état d'esprit. Et là, voilà, petite déclaration un petit peu curieuse. Je pense qu'il a jamais été question que Derrick Rose, à cet âge maintenant, avec son rôle de mentor qui est plutôt assumé, devienne un meneur titulaire, surtout quand on prend du Jalen Brunson. Donc c'est un petit peu curieux. Est-ce qu'il s'attendait à être réellement le premier à sortir du banc, le sixième homme? En début de saison, c'était plutôt IQ avec Hartenstein, qui était là pour faire la paire à sortir du banc en tout premier. Sur les derniers matchs, on voit que c'est plutôt D-Rose qui sort le premier du banc. Oui. Mais voilà, c'était un petit peu. Moi, j'ai trouvé ça curieux, surtout qu'il a une bonne relation avec Tom Thibodeau. s'il y a un problème au niveau de ses minutes ou autre, ou si on le fait trop jouer ou pas assez, je pense qu'il peut assez facilement aller lui en parler, comparé à d'autres joueurs qui pour lesquels le courant passerait peut-être un petit peu moins. Donc ça, j'ai trouvé ça très très très curieux. Surtout qu'au moment où la déclasse sort, bon, voilà, les résultats, bon, on est plus ou moins à l'équilibre. Il n'y a pas trop encore de drama dans l'équipe. Il n'y a pas trop d'interrogations, même si on ça aurait peut-être être, plus de victoires. Donc, ça peut être les prémices d'un petit malaise au sein du groupe, pour l'instant, qui n'est pas encore sorti. Mais ça peut être un petit indice de quelque chose qui se passe, peut-être, dont on n'est pas au courant. Et je sais pas, je sais il pas. Va, il va je... falloir suivre ça, mais c'est voilà, ça nous a ça ça, ça a mis le doute. Mais après Thibaudot a répondu aussi par médias interposés. C'est curieux cette situation. C'est curieux cette situation. On verra comment ça évolue. Après, il faut le dire aussi, Di Rose a pas forcément très bien joué sur ses sorties. Hein. Il y a des moments où j'ai 10 minutes de temps de jeu, c'est certes pas beaucoup, mais je shoot et j'en mets pas un. Donc bon. Il a 34 peut-être ans après. Chez l'ami, mais si t'es pas performant, voilà quoi. Après, il a 34 ans. Enfin, il a connu quand même une carrière très riche en shine et en déboire. Donc, enfin, je veux dire, c'est à un moment donné que Thibodeau préfère donner plus de minutes à Quickly, par exemple, ou à Brunson, parce que bon. On débriefera les restes des matchs, mais jusqu'à présent, il est quand même très bon. Enfin, ça me choque pas. Donc, voilà, s'il a des vagues à l'âme, malheureusement, c'est la NBA qui est comme ça. Hein. Donc, On va voir. À suivre. En tout cas, voilà, c'est curieux, c'est étrange. Affaire à suivre. Bon, on va parler des matchs. Hein. On va être obligé. Alors, on va la faire court sur les résultats, et puis on va débriefer sur nos impressions et sur ce qu'on retient. Forcément, les lendemains de blowout, les lendemains de défaite, c'est jamais bon. On voit tout en noir, on a envie de tout virer, tout le monde. On va essayer de prendre un petit peu de recul. On a eu 4 matchs cette semaine, 2 à l'extérieur, 2 à domicile. Bon, même si Brooklyn, c'est un peu comme chez nous, quoi. Minnesota pour commencer, une rencontre sans Rudy Gobert et une équipe qui a surfé sur une adresse folle d'entrée de jeu, notamment de Julius Randle, qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, bat son record de nombre de 3 points inscrits dans un match. Donc très bien, pour une fois, ça rentre dedans, et forcément, avec de l'adresse, ça aide grandement. Un match plutôt contrôlé, maîtrisé par New York tout du long. Donc ça, tant mieux, même s'il y a eu quelques tentatives de rapprocher. Mais par rapport à des Minnesota Timberwolves qui avaient des objectifs, qui ont un recrutement, on va dire, assez clinquant sur l'été. Ils ont du mal à pour l'instant, répondre présent. Du coup, bah voilà, on a été un peu surpris. On ne s'attendait pas forcément à aller prendre cette victoire. Et les Knicks sont sortis victorieux. Donc ça, c'était plutôt bien. Ensuite, déplacement à Brooklyn. Ah là là, Brooklyn. Même s'il y a tout le drama en ce moment autour des Nets, et je pense que ça va encore durer un petit moment. Et ben voilà, c'était peut-être l'occasion d'aller prendre ce match qui aurait fait plaisir. Et ben non. Les Knicks n'ont pas existé, n'ont pas réussi à exister dans cette rencontre du début. Pendant 48 minutes, ils ont couru après le score sans trouver la solution. Kevin Durant a très bien joué avec ses teammates. Hein. C'est rare qu'il termine en triple-double, et notamment parce que voilà, c'est un attaquant et il n'est pas trop dans la distribution. Hein. Les 10 passes, il faut aller les faire quand même. Donc là, il nous a fait mal de par sa polyvalence et puis son talent, tout simplement. Et les Knicks n'ont pas existé. Donc ça, c'est le match qui pose problème, parce que voilà, forcément, à Brooklyn, on espérait être compétitif. Ça n'a pas du tout été le cas. Ensuite, retour à la maison, Détroit, Pistons. Bon, on les avait tapés dans un blowout sur le premier match, donc on pouvait être confiant. Eh bien, les Pistons, ils ont été accrocheurs, même sans Kate Cunningham. Alors bon, vous allez dire, ouais, normalement, on doit gagner facile. Quand on regarde le match d'après, les Pistons en back-to-back à Boston, ben, ils ont été aussi accrocheurs. Donc, bon, ok, le match est gagné, ok, le match aurait pu être gagné plus largement, on se fait peur sur la dernière période, on les laisse revenir et tout, félicitations, bravo à Boston d'avoir été accrocheur, on le prend, fallait le prendre, très bien. Et puis dimanche, Viewing Party, réception de OKC, soirée Wakanda. Bah Wakanda de rien du tout, on a protégé que dalle, c'était plutôt opération porte ouverte dans les saloons au niveau de la défense. Premier carton, combien 48 points inscrits. 48 points, record de Pardon fin, record. 48 points en un carton, bon, on en prend 36 mais on en met 48, donc bon, faut resserrer un peu les défenses, faut se calmer, l'adresse n'était pas spécialement folle, mais pourquoi pas. Et puis après, on se prend 86 points sur les deux cartons qui suivent, quoi. Donc, OK, ici, nous met 43 points, 43 points. Et puis, le dernier carton, bon, on va le prendre, mais voilà, c'est très anecdotique. Et donc, une défaite très embarrassante, plus embarrassante, à mon sens, que le match où on n'a pas existé face aux Nets. Parce que là, on part trop vite, peut-être, trop fort, mais on ne défend pas. Et c'est surtout cette défense qui a posé problème. Des joueurs benchés, on va en parler. Un coach qui n'a pas trouvé de solution pour stopper des Chalgetjus Alexander. Une protection d'Arceau qui était inexistante. Une soirée cauchemardesque. Une soirée cauchemardesque. Donc voilà, en 2, 3, 5 minutes, je vous ai résumé les 4 matchs, vite fait. Seb, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette semaine? Est-ce qu'on est inquiet? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, quoi? Qu'est-ce que toi, tu as retenu de tout ça, de ces 4 matchs, dans cette globalité de la semaine? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inquiètent? Est-ce qu'il y a des choix de rotation qui t'inquiètent? Est-ce que dans ce qu'on voit dans le jeu, dans la philosophie de jeu, est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent? Est-ce que tu veux que je te dise tout? Est-ce que tu veux que je te dise tout? On n'a pas 2 heures, mais essayons d'être synthétiques et essayons peut-être de tirer un peu du positif quelque part, je ne sais pas. Alors, le positif dans la semaine. De victoire, de défaite. Oui, certes, mais alors, le positif dans la semaine, c'était le match à Minnesota où, ok, on gagne par notre adresse folle, voilà, donc clairement. Et on a en face un Towns et un Edwards qui n'étaient pas là. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est plusieurs choses. C'est déjà d'une, l'état d'esprit. C'est-à-dire que les premiers matchs qu'on a joués, même si on les perdait, on se battait. Enfin, je veux dire, on se battait, quoi. On y allait, on essayait de revenir dans le match. On prenait pas des raclées. On essayait. Et là, il y a eu. Alors, certes, bon, ok, on va me dire le match contre Cleveland ou le match contre Atlanta, mais on les a, ou même Milwaukee, mais je trouve que dans l'attitude, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que contre Atlanta, bon, on le perd parce que bon, à un moment donné, ils sont un peu meilleurs que nous. Contre Cleveland, ben on finit fort en quatrième carton avec une adresse. Voilà, ils finissent fort et puis bon ben nous, on n'arrive pas à trouver la solution. Ils accélèrent et puis voilà, ils ont eu un love en feu et un Mitchell qui, malgré ce qu'il disait, bon ben voilà, il voulait quand même en mettre un petit coup. Les Bucks, bon, tu le perds, bon, mais on n'était pas ridicule. Là, on était... limite, c'est des équipes qui sont potentiellement oui. Au-dessus de nous ou qui sont au-dessus de nous. Donc, perdre contre elles, bon, ça peut se comprendre. Après, gagner contre Minnesota, tant mieux. Tant mieux. Mais là, on a de l'adresse. Donc, on a une équipe qui est plus offensive que défensive. Ça, on le voit. On encaisse pas mal de points. Il y a des ajustements de coaching. Sur ce début de saison, même sur cette semaine, on voit que Thibodeau, en fonction des match-ups, va alterner au niveau du poste 5, Hartenstein, Sims, parce que, il faut quand même le dire, Mitch Robinson, il n'est pas là en ce moment. Il n'est pas là. Est-ce que sa dissuasion, elle est très pénalisante? C'est pas impossible. Autant offensivement, on sait que c'est limité, ça va être un rim runner. Mais défensivement, il a une dissuasion que n'ont pas Hartenstein. Même si Hartenstein, c'est une bonne signature, un bon complément. Moi, je suis désolé, en protection de cercle, il a du mal. Hein, il a du mal. Hein. Il dissuade personne. Quoi. Il va prendre du rebond, il va être vaillant, mais il n'a pas cette même influence sur les attaques adverses. Non. Quoi. Non. Et Jericho Sims, c'est très athlétique. Ça monte très haut quand il faut partir au dunk. Il fait ce qu'il a avec ce qu'il a en temps de jeu et avec ses moyens à disposition. Il prend des fautes un peu vite aussi. C'est le métier qui rentre. Mais c'est clairement pas la même dissuasion, la même protection de cercle. Donc en ce moment, il faut peut-être aussi le rappeler, on a pu ce Mitch Robinson. Ça a permis de voir des séquences Obito, Pinch, Julius Randle un peu plus que ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Et c'était réclamé par la fanbase. Mais défensivement, le problème, il est surtout là. On a un problème défensif. Ce qui explique aussi pourquoi Evan Fournier se retrouve au bout du banc. Il y a un très bon article sur le blog, on vous invite à le lire, Une place pour 4, qui explique peut-être un peu, qui donne des éléments de lecture de ta part, Seb, pour expliquer le pourquoi il a été rétrogradé dans la rotation, la hiérarchie du groupe. Mais c'est défensivement où l'équipe se cherche, quoi. Ben, moi, je te dis, enfin, moi, je nous ai trouvé ridicule sur cette fin de semaine. Alors, le match contre Brooklyn, on est derrière tout le temps. Alors, ok, derrière, ils ont Kevin Durant, mais putain, on se fait massacrer par Sumner. On va me dire, ouais, t'es un basket-X. Mais pour moi, j'avais l'impression que cette équipe de Brooklyn, c'est KD et c'est No Name, quoi. Et nous, Ouais. on n'a pas joué ce match. On n'a pas traversé le pont. On n'a pas joué ce match. Et après le premier quart-temps, le match d'hier, ça a été la même chose. On arrête, on joue pas les matchs. En Moi, fait, les ce qui joueurs, m'énerve, il faut, je pense que il faut. défensivement, ce qui m'énerve, c'est cette aide qu'on fournit systématiquement. On a souvent le joueur qui tient son adversaire, mais on va avoir quand même avoir cette aide défensive qui va venir et qui déstabilise tout. Je veux dire, à un moment donné, tu vas avoir une pénétration, le défenseur qui le tient, mais tu vas avoir un mec qui va venir, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, forcément, tu libères un adversaire dans le corner ou un autre, tu déstabilises tout, le type, il a bien compris, il ouvre, terminé, on les met dans le fauteuil. C'est systématique depuis le début de la saison, c'est comme ça. C'est comme ça, Et c'est pour ça qu'on prend des caisses de panier à 3 points. Pour peu que les joueurs soient un peu adroits, effectivement, à Brooklyn, un Seth Curry, bah, il s'est régalé. Hein. Il s'est C'est des joueurs régalé. NBA après les mecs, enfin C'est des forcément, tout joueurs NBA. On l'a seul. vu hier dans le match face au Thunder. SGA, qui a fait faire un tour dans son slip à Derrick Rose, hein, voire deux même tours. Les joueurs en plus sont en confiance, les joueurs adverses sont en confiance parce qu'ils ne prennent pas que des tirs faciles, il y a des tirs quand même qui sont contestés, mais il y a un gros problème de défense de cette ligne à 3 points. Donc quand nous, on n'arrive pas à avoir l'adresse, quand on n'arrive pas à voir les shoots qui rentrent, on se met en difficulté, on court après le score. Et alors hier, c'est un match très, très caricatural où effectivement, il n'y avait pas de défense. On s'est dit, mais c'est un All-Star Game qu'on regarde ou qu'est-ce que c'est que ça? 48 points dans un premier quart, énorme. À la fin, on termine quand même avec 135 points inscrits. C'est énorme. On en prend 145. Comment on veut gagner quand on prend plus de 140 points? C'est juste impossible. Mais on en met 135. Donc c'est que malgré un RJ Barrett qui a été benché après son match à 30 points, offensivement, on arrive à trouver des solutions. C'est pas toujours beau, c'est toujours un peu compliqué dans le mouvement de balle, mais on arrive à trouver des solutions même dans un match catastrophique comme celui-ci. Par contre, c'est défensivement, quoi. C'est pas possible. On a un problème sur la défense. Alors, on va parler du coach, on va y revenir. On a un coach qui est réputé pour sa défense. Il a fait des changements au niveau de ses joueurs pour apporter plus de défense avec Cam Reddish. Cam Reddish a été plutôt bon sur ses sorties. Même dans le match contre Brooklyn, j'ai trouvé que, voilà, de par ses longs segments, il arrivait un peu Oui. à essayer de gêner KD. Après, c'est Ben c'est le compliqué, c'est seul. plutôt le genre de joueur qu'on va freiner que de joueur qu'on va arrêter. Voilà, mais après c'est le seul qui physiquement peut amener ça. On Il peut a personne. s'opposer, et il a cette mobilité en plus. On n'a personne dans ce registre. On n'a personne dans ce registre. Je suis pas, je suis Mais à pas, côté. je suis pas un grand fan de Cam Reddish. Ça, tout le monde le sait. Mais Ah bon? je sais faut aussi faire la part des choses. Cam Reddish, c'est un joueur qui, offensivement, hier, il a marqué 26. Le match d'avant, il a marqué quasiment pas. Enfin, il est comme ça. Mais tu sais que défensivement, il va s'opposer. Et ce qui nous manque, c'est de l'opposition. C'est hier, par exemple, tu vas avoir les mecs qui vont pénétrer dans la raquette. On va les suivre. Mais il n'y a personne qui va se mettre devant. Il n'y a personne qui va le gêner, vraiment. Enfin, c'était, comme tu dis, une caricature. Hier, c'était une caricature de basket, quoi. C'était un scandaleux. Bah, c'était porte ouverte en fait. Les joueurs du Thunder arrivaient, ils ont inscrit 66 points dans la raquette. C'est énorme. C'est énorme. Alors on en met 76 ou 74. Donc on en a mis plus dans la raquette en proportion. Mais 66 points concédés dans la raquette, c'est qu'on a un problème de rim protection. C'est pas possible quoi. Parce que effectivement, on a vu les joueurs passer, voilà, effacer leurs joueurs dans la raquette. Alors j'entends déjà les Julius Randle, il est nul, il défend pas. Ouais, ok les gars, c'est pas une découverte hein, depuis qu'il est dans la ligue. C'est pas un grand défenseur, il a des moments d'absence, c'est certain. Mais c'est une défense collective qui va de toute façon faire des choses pour ralentir ce genre d'opposition d'adversaire. Ralentir un KD, c'est compliqué. Ralentir un Giannis, c'est compliqué. Il y a des joueurs qui sont élites sur lesquels, c'est pas avec les défenseurs qu'on a qu'on va réussir à les freiner. Et c'est éventuellement avec de la maladresse, avec un peu d'effort collectif, avec une protection du rebond. Par contre, contre OKC, SGA, très bien, très bon. Josh Giddy, pourquoi pas. Mais voilà, il y a des situations où on voit un Giddy justement qui va aller finir avec un rebond off et marquer au milieu de 4 joueurs d'Enix. Il n'y avait pas Randle sur le terrain sur le moment. Les autres, ils l'ont laissé prendre son rebond et finir devant eux. Donc c'était très très, très sale. Et on a un problème de défense à 3 points, ça on le sait. Mais quand on ajoute en plus un problème de protection de l'arceau. Voilà, situation improbable et trop complexe à gérer. On va parler du coach, on va revenir sur le coach. Mais à un moment, les joueurs aussi, il faut qu'ils soient responsabilisés. Et voilà, ils font pas le taf, quoi. Ils font pas le taf. On pourra changer le coach, on va peut-être changer le coach. Mais si les joueurs jouent pas mieux, ne sont pas plus solidaires, non. Ne pose pas le ballon, parce qu'on veut jouer vite. Mais quand tu marques pas et que tu joues vite, tu refiles vite des ballons de contre-attaque en face. Et du coup, après, ça devient compliqué. On a un jeu d'attaque. Cette saison, les Knicks jouent l'attaque. Encore plus que la saison dernière. C'est ce que j'allais dire, comme l'année dernière. Mais enfin, je sais pas. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on a fait un recrutement. J'ai rien contre Brunson, je l'adore. Hein. C'est vraiment un super gars. C'est un super joueur, vraiment. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on a fait un recrutement qui va en dépit de ceux qu'aime le coach. Quoi. On veut imposer, en fait, à Thibodeau. Une nouvelle philosophie de jeu. C'est pas Mike D'Antoni, quand je dis Bodo. Hein. C'est pas D'Antoni. Mais donc, même encore, si c'était un coach offensif, est-ce qu'on a suffisamment de talent offensif? On a des joueurs qui passent au travers quand même d'un match à l'autre. Wow. On a parlé de Brunson très rapidement. On va ensuite enchaîner sur la deuxième partie. On est vraiment sur le débrief, le ressenti. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de toute façon. Est-ce que la défense vous rassure? Est-ce que l'attaque vous rassure? Alors, alors s'il y a des gens qui disent oui, la défense me rassure. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique. Hein. Expliquez-nous en commentaire. Je lis de drôles de choses parfois sur les réseaux sociaux. Vous savez que j'en anime pas mal pour l'association. J'ai lu un moment que Evan Fournier était un bon défenseur au Magic. Voilà. J'ai peut-être pas suffisamment regardé le Magic à l'époque, mais c'est la première fois que je lis des choses comme ça. Donc voilà, il faut qu'on relaxe. C'était un vrai lockdown, hein. Voilà. Après, on pourra toujours séquencer, Julius qui revient pas, Brunson qui fait pas, il y a toujours des séquences dans le match où. Et je vais te dire dans une les chose, matchs c'est où que... on peut sortir des choses calamiteuses, quoi. C'est que les gens, la fanbase à la dent dure contre Julius, c'est vrai que l'année dernière, il a beaucoup sali son image. Et l'histoire du pouce, toutes ces histoires. Et les gens ont retenu ça et ils aiment pas. Bon, pour l'instant, je suis pas partie des haters. C'est vrai qu'il y a des choses qui me gonflent chez lui, il y a des choses que j'aime bien. Mais, bon. Mais par contre, c'est étonnant, c'est que par contre, un RJ Barrett, alors je balance le blaze, hein, mais un RJ Barrett qui, lui, score très bien dans le vent. Je veux dire, il pèse pas forcément sur les rencontres. L'impact n'est pas forcément là. Hier, il marque 4 points, il est au travers complet. Alors oui, il marque 30 points contre Détroit, contre une équipe de Détroit qui charge Victor. Voilà, bravo. 30 points, je veux dire bravo. Félicitations, tu as marqué 30 points contre une équipe de G-League. Bon, c'est bien. Mais c'est de la constance. C'est de la constance qu'on a besoin de sa part. C'est quand qu'on va avoir... Il peut défendre aussi, hein. C'est un joueur qui a des attitudes pour défendre. C'est quand qu'on va avoir un Barrett qui, à un moment donné... va prendre les choses en main, vraiment, et va fermer un match. Je veux dire, c'est quand Aujourd'hui, faut pas se voler la face. Même si RG arrive à faire des stats, le match contre OKC, on s'est posé la question, est-ce qu'il est blessé ou pas? Parce qu'il est belge, on l'a jamais revu. Non. On s'est demandé, il a fait une très mauvaise première mi-temps. On s'est demandé. Peut-être qu'il était... Gastriquement parlant. Est-ce que tu as lu les déclats je les ai relayés donc que Bagley avait fait non, sur j'ai pris du retard sur les dernières déclarations et je t'avoue qu'après le match d'hier, j'étais un peu fâché contre eux. Alors je vais te dire, Thibodeau dit donc qu'il a benché RJ Barrett. Oui, pour les tenir accountable. Et que quand, en fait, il y a eu un semblant, hein, c'est ce qu'il a dit, un semblant de comeback, oh ben, on reste avec l'équipe. Donc, on reste avec Evan, on reste avec la même équipe. Mais tu reviens au Evan, même point. La bulle, hein. 0 points, 20 minutes, il a plus joué que d'habitude. Il n'est pas en confiance, on le sait, il est perdu. On va revenir sur son cas dans la deuxième partie. Ce que je veux dire par là, c'est que hier, il n'était pas blessé, RJ Barrett. Ça a été un choix pur de l'entraîneur. Et malgré que quand on revient à 10 points dans les 4 dernières minutes, qu'on peut peut-être espérer quelque chose. Ouais, après, il était froid et tu l'as puni, tu l'as mis au placard. Pareil, hein, Jalen Brunson. Jalen Brunson, aujourd'hui, pour moi, c'est le véritable baromètre de l'équipe. Julius Randle fait du Julius. Avec du bon ou du moins bon en termes d'adresse, avec de la présence au rebond, avec de la défense par séquence. Il nous fait du Julius dans un état d'esprit moins merdique que la saison dernière. RJ est plus irrégulier et le véritable baromètre de l'équipe, c'est Jalen Brunson. Mm. Quand Jalen Brunson est bon, généralement les deux autres sont aussi à un niveau de scoring et on a un big three aux alentours de 20, 25 points et tout. Et on finit, on gagne le match. Mais c'est des matchs d'attaque. C'est des matchs d'attaque. Le problème aujourd'hui, il est sur la défense. Est-ce qu'on va le régler la semaine prochaine, sur cette semaine-là qui démarre? Oui, aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a un gros programme qui s'annonce, des adversaires compliqués, un road trip, peut-être qu'en road trip, ils vont se redire les choses, se ressouder, je ne sais pas. On va parler du programme de la semaine à venir, hein, Seb. Il faut. On est sûr pour le faire? Si, il faut qu'on y passe. Allez, on parle du programme, du programme de cette semaine. Vous pouvez allumer un cierge en attendant. Alors, on avait 4 matchs sur cette semaine, on a fini à 2-2. Et bien, cette nouvelle semaine, on a 4 matchs. Est-ce qu'on va finir à 2-2? Ben, ça serait pas si mal de finir à 2-2. Alors, on va avoir que du match en road trip. Utah Jazz chez les Mormons. Et il n'y aura plus Donovan Mitchell, il n'y aura pas Rudy Gobert non plus, on verra. Ils viennent de perdre, je crois, salement contre les Sixers. Pourquoi pas. Ensuite, on enchaîne en mode back-to-back dans les montagnes du Colorado à Denver, face à Nikola Jokic. Ouh, aïe, aïe, aïe, aïe. Sans pivot pour vraiment se mettre en face de lui, ça risque d'être compliqué. Est-ce que Mitchell Robinson va revenir, hein? On ne sait pas trop au niveau de sa situation. En tout cas, il ne ferait pas de mal, même si on n'a pas non plus d'illusions sur ses capacités à défendre sur un pivot du type de Nikola Jokic. Ensuite, pour s'amuser un peu, on va aller voir les champions, les Golden State Warriors. Alors, ça va pas hyper bien leur début de saison. Ils auront peut-être envie de se remettre sur de bons rails en tapant les Knicks, forcément. Je vous rappelle, alors c'est peut-être pas la saison dernière ou la saison d'avant. Ah, je sais plus, mais on avait été gagné une fois chez eux. Donc bon, sait-on jamais. Sur un match d'attaque, ça défend quand même, hein, Golden State. Mais voilà, on verra. Et puis pour finir, viewing party du dimanche, Phoenix Suns. Dans l'Arizona, donc 4 matchs à l'ouest. Ça. Un programme plutôt copieux. À la base, on pouvait se dire Utah Jazz, ça va tanker, ce genre de match qu'il faut prendre. Peut-être qu'ils vont doucement mais sûrement rentrer dans le rang, je ne sais pas. Ou peut-être qu'au contraire, ils vont confirmer leur bon début de saison, parce qu'ils étaient à un moment donné premiers de la conférence ouest, à la grande surprise générale. Donc il va falloir se méfier d'eux. C'est une équipe plutôt jeune. On a du mal contre les équipes plutôt dynamiques, donc voilà, mais bon, ouais, un programme très très copieux, hein. Je sais pas, est-ce que ça va finir à 0-4 cette histoire? Je sais pas, après le Jazz est sur 2 défaites, alors peut-être que tonton Danny est descendu. Il aura dit, Victor Wembanyama, hein. vous savez les mecs qu'à la base vont tanker, hein, si on a dégagé Gobert et Mitchell et Bogdanovic, c'est pas pour être premier de la conférence. C'est pas pour aller en finale de conf avec vous les mecs, hein. Non, on prendra en fait. Hein. Hey, comme quoi, hey, Colin Sexton, il était pas si mauvais que ça. Markkanen, qui est... je me rappelle de lui, il avait une hype de fou, c'était lors d'un Euro quand il arrive, il avait été monstrueux avec la Finlande. Ah, même son dernier, ouais. Et là, il confirme bien. Donc, il avait gêné Porzingis. Hein, il y avait eu un petit duel à l'époque, à la belle époque de Porzingis. C'est un joueur qui a des aptitudes. Bon, ils sont à 17. Il faut se méfier d'eux. Hein. Ils sont à 10-5, ils ont plutôt proposé un super basket. C'est, ça peut être un match à notre portée, mais un problème, c'est qu'on ne peut pas C'est savoir qu'on avec. sort d'un match affreux contre OKC, que voilà, il y a des histoires de petites tensions qui commencent à naître. On a parlé avec Derrick Rose. Thibodeau, il commence à avoir chaud aux fesses de plus en plus. Voilà, il y a des ajustements de tenter. Mais le Il truc, c'est serait que. bon, il serait vraiment de ce serait une très bonne idée de commencer ce road trip par une victoire là-bas. C'est Parce que c'est ça. peut-être le match qui est plus à la portée d'Enix, et encore. Donc ça permettrait de s'apaiser après ce match honteux qu'on vient de subir au Garden, hein, Wakanda, contre le Thunder. Donc voilà, ça permettrait de calmer un petit peu, de faire retomber la pression et le départ d'incendie. Parce qu'après, le reste, voilà, enchaîner en back-to-back, perdre contre Denver en back-to-back, bon, on pourrait le concéder, En ça, plus, voilà. ils ont les retours de Murray, Ouais. de c'est Porter, si c'est Porter Porter Jr. Junior, Ouais, Michael Porter Junior, donc. Michael Porter Jr. Donc bon, ils ont maintenant ils ont retrouvé leur équipe au complet quoi. Le problème c'est qu'avec les Knicks, outre le fait que d'un match à l'autre on sait pas comment on va jouer, mais en plus il faut mettre la variante le X du carton après l'autre, c'est-à-dire Ouais. que on sait pas un carton après l'autre comment on va être. Est-ce que on a été bon au troisième, alors que hier on a été dégueulasse au troisième. Ah, aujourd'hui on s'est effondré au quatrième, alors que là on est revenu au quatrième. On sait pas. Alors que les rotations sont les mêmes, hein. On connaît le schéma de jeu, on sait qu'au bout de 4-6 minutes, il y a les premiers remplaçants qui arrivent pour le premier quart-temps. Ça va dépendre des fautes et éventuellement des blessures, mais voilà, le schéma de jeu, il est connu. Oui. On ne s'attend pas encore à avoir beaucoup de révolutions dans le starting 5, hein, à part si Mitch Robinson revient, mais ça a Bah l'air là, de prendre forme en tout cas, quoi. il en a déjà fait une en sortant Evan et en titularisant Cam. Il en a déjà fait une, hein. Enfin, je veux dire, il en a déjà fait une. Maintenant, là, on va affronter deux équipes. Alors, on a une là qui est sur deux défaites. Est-ce qu'elle va vouloir se relancer aussi dans son public? Et puis on va affronter Denver qui eux, bah, tu vois, je suis devant leur calendrier. Sur les 5 derniers matchs, ils en ont pris 4. Voilà, enfin là on affronte des équipes qui sont quand même dans un bon mood par rapport à nous quoi. Où nous Même on si, sort d'une il semaine faut le répéter, le bilan il est que de 6-7. Hein, Oui. il pourrait être beaucoup plus catastrophique. Salut les Lakers. salut Miami. Hein, Miami, c'est pas non plus. Voilà, il y a des équipes qui font pas un bon début de saison. Ouais, mais ils ont Les Knicks, peut-être jusqu'à des. présent, avaient pris ce qui était à prendre. Là, le match contre OKC, c'est un loupé quand même. Ouais. Contre le Brooklyn, bon, hein, à la base, Brooklyn est censé être meilleur, même si on aurait dû pouvoir être dans la battle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'on peut perdre les matchs, mais c'est en fait là, on sort d'une La manière, semaine où après. voilà, où l'état d'esprit et la façon dont on a joué, c'est-à-dire que. Il y a eu quoi? Il y a eu contre Détroit, il y a eu des séquences où on a fait circuler la balle. Contre Minnesota, ça a pas mal circulé. Contre Brooklyn et contre Oklahoma, on ne faisait plus circuler la balle, c'était fini. C'était terminé. Une Et les passe. joueurs jouent au Hero Ball, jouent les uns après Voilà. les autres, Une passe, prennent paf, des au tirs tir. compliqués, des tirs casse-croûte, et puis l'adresse à 3 points n'est pas là non plus. Donc voilà, quand tu as tout ça d'enchaîner, ça devient compliqué. Eh Mais oui. ce sera surtout sur la défense. C'est de la défense que viendra le salut. Un match d'attaque, l'adresse, ça va, ça vient. On le sait bien, c'est valable pour toutes les équipes. Ça va être la défense et ça va être la solidarité, le fait que le groupe soit soudé. Et tu sais quoi, je vais te dire, c'est grâce à notre défense qu'on va relancer le champion. Parce que vu comment on défend et vu comment on ouvre gentiment les portes du 3 points, je pense qu'il y en a deux ou trois, tu vois. Il y a un petit Curry, un petit Thompson, un Jordan Poole, tu vois. Ils vont être là et puis ils vont faire. C'est sympa, les gars, merci pour les cadeaux, Merci, fallait merci. pas. Mais regarde, tu es tout seul, oui, vas-y, relance-toi parce que tu es le champion, on te respecte. Donc, On je pense. s'attend à prendre une pluie de 3 Ça points, peut être effectivement, une ce soir-là. boucherie. Ça peut être une boucherie. Voilà, préparer la boîte de Kleenex et tout. Mais bon. En tout cas, bon, Ou allez, allez, allez, sur ce. la musique des bélis. La prochaine émission promet d'être sympa. Allez, un petit pronostic. Un pronostic? Lance-toi le premier, ouais. Ah, là, je suis obligé. Ah ben, Ah ouais. Ah, je vais dire un 4-0. 4-0 pour nous. Non, Ah oui, pour nous. Ah oui, pour nous. Grosse surprise, quoi. Mais bien entendu. Non, non, non. Allez, je vais dire qu'on en prend un dans le lot. Lequel? Je sais pas. Je vais dire 1-3. 1-3, on en prend un dans le lot. Mais je sais pas. C'est les joueurs qui vont décider. Autant on va prendre Phoenix dans un match de fou, autant on le prend à Golden State, autant le prendre tout de suite et après derrière comme ça c'est fait, on l'a pris, merci et puis je sais pas, mais on en prend un et on en perd trois. Voilà mon Ok, pronostic. Et toi, ça c'est ton pronostic. qui? Allez, je vais essayer d'être comme peut-être souvent plus optimiste, hein. Pas réaliste, pas forcément réaliste. Hein. Moi d'ailleurs, je parie pas en ligne, hein. Du coup, mon argent, je me la garde pour autre chose. Je vais aller lancer deux victoires, deux défaites, une victoire à Utah, j'espère, et une victoire contre les Suns ce dimanche pour la viewing party. Et puis au milieu, on laisse les Nuggets faire ce qu'ils ont à faire avec Jokic et les Warriors. Montrer qu'ils sont dignes d'être champions et de nous mettre une pilée de 3 points. Voilà, donc deux victoires, deux défaites. Ça Mettez ferait les une quatre. semaine mi-figue, mi-raisin avant de retourner derrière à OKC la semaine prochaine. Mais voilà. Bon, ça c'est le pseudo-pronostic. Ça vaut ce que ça vaut. Franchement, on n'a aucune certitude avec cette équipe. On va justement pouvoir juger au moins de leur capacité de réaction. Est-ce qu'ils vont exploser en vol sur ce road trip? Est-ce qu'au contraire ils vont se montrer solidaires? Est-ce que RG, le fait d'avoir été benché, Jalen Brunson également, Julius lui épargné de tout ça pour le moment. Voilà, on va voir si les joueurs sont suffisamment touchés pour réagir. En tout cas, il y en a un qui est sous les feux des projecteurs, c'est Tom Thibodeau. Est-ce que Tom Thibodeau va résister à la pression? Est-ce que Tom Thibodeau va passer cette semaine? Est-ce que Tom Thibodeau, s'il affiche un bilan de 4 défaites, est-ce que ça va être rédhibitoire? Est-ce que Tom Thibodeau sera encore le coach? Est-ce que Tom Thibodeau est le seul responsable de cette galère? Ou l'unique, le principal responsable? J'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Tom Thibodeau est Quelque encore chose le me coach des dit que Knicks à la ça fin de la va être semaine? 100% de gens qui vont dire oui. Quelque chose me le dit. Je ne sais Ah pas oui. Il y a beaucoup de gens qui veulent le départ de Tom Thibodeau. Hein. Il a du mal avec son groupe. On voit que c'est un coach défensif et l'équipe défend pas. Donc ça, c'est un gros problème. Est-ce que c'est le discours qui passe pas? Est-ce que c'est les joueurs qui sont complètement perdus? Est-ce que c'est les joueurs qui sont nuls? On peut se poser la question aussi. Est-ce qu'il faut changer le coach? Est-ce que c'est le premier fusible qui va sauter? Parce que c'est souvent un fusible. Mais Oui. derrière, pour faire qui? Pour faire quoi? Pour mettre qui? Pour changer comment la façon de jouer, comment la rotation, comment le starting five. Ça parle beaucoup de Johnny Bryant, l'assistant qui était plutôt en bonne relation avec Donovan Mitchell. Bon, bah, Donovan Mitchell, il est aux Cavs, hein, donc même si on met Johnny Bryant maintenant, est-ce qu'il va révolutionner le jeu? Est-ce qu'il va faire défendre cette équipe? Est-ce qu'il va changer le starting five? Est-ce Mange qu'il pas. peut, avec les joueurs du roster, changer le starting five de façon significative et donner une nouvelle impulsion à cette équipe si Tom Thibodeau saute maintenant? Moi j'ai un nom. C'est Un David nom? Copper. Ouais, c'est David David Copperfield. Copperfield. Pour Alors, ça parlera arriver peut-être pas à tout le monde, mais bon, mais bon. pour un magicien qui va arriver en fait à révolutionner le jeu. Non mais je veux bien qu'on dégage Tibbs, ok, d'accord, ben les gens, il y en a marre de Tibbs, il faut le dégager. Bon, c'est pas Tibbs qui rate des layups, c'est pas Tibbs qui rate des 3 points faciles, c'est pas Tibbs qui fait le plot pour se laisser dribbler. Je veux dire, lui, le gars, c'est un gros passionné. Le mec, il a dédié sa vie pour le basket. Je pense qu'il se saignerait pour voir son équipe gagner et pour les voir bien jouer. Après, Bien d'ailleurs, sûr. si les joueurs. Alors, soit les joueurs ont abandonné le mec parce qu'en fait ils accrochent plus à ses préceptes défensifs et dans ces cas-là en fait ils déjouent exprès, ça m'étonnerait, mais ils déjoueraient exprès pour que le front office décide de se séparer de Thibodeau en sachant qu'il lui reste plus que cette année de contrat garanti. En C'est-à-dire garantie, ouais. que Dolan va pas devoir poser un chèque pour le faire partir. Est-ce que ça c'est après Oh, ceci je pense dit qu'il est en capacité de le faire, ça a été après, fait par le après de passé, donc. Après, Dolan a fait des plus gros chèques. Bon, coucou Larry Brown. Donc bon, mais après, ok, on dégage Thibodeau. Est-ce que clairement, ça va être Donc O'Brien qui va révolutionner le jeu des mix et qui d'un coup va rendre Julius meilleur, qui va rendre RG être Régulier. régulier et un mec qui pèse sur le jeu. Est-ce que c'est lui qui va faire rentrer les 3 points de façon aussi régulière à Cam Reddish dans le corner? Est-ce qu'il va faire grandir Jalen Brunson en taille? Je pense qu'il a fini sa croissance, là c'est fini. Est-ce que D'où Mitchell David Robinson va Copperfield? arrêter de faire des fautes, arrêter de se blesser? Je D'où pense David pas. Copperfield? Voilà, tu vois, mais voilà. Alors après, bon voilà, on le dit, on en rigole. Effectivement, c'est souvent le coach qui saute le premier. C'est On l'a sûr. vu à Brooklyn. Après, il n'y a pas le même effectif non plus. C'est pas le même coach, le même référencement de coach, hein, Steve Nash, Non. jusqu'à présent. Et ça a beau être un MVP, un double MVP, les bons joueurs font pas forcément d'excellents coachs. Ça, voilà, c'est la Ou ligue de nous bons le jeux. montre. Ou de bons GM. Ou des bons GM, hein, ou des bons Coucou proprios, Jojo. hein, Coucou coucou Jojo. Michael. C'est compliqué la NBA, c'est compliqué. Ceci dit, si Tom Thibodeau saute, il y a après aussi le front office qui va être un peu plus exposé. Léon Rose, c'était Ah. son premier coach. Attention, après, c'est bien beau de faire la valse des coachs. Voilà. Le problème, Mais. c'est que tonton Léon, toi, on a discuté tout à l'heure. Tonton Léon, il passe au travers de son été 2021 en recrutant Evan qui est désormais benché et Kemba qui a fait illusion et est reparti. Tonton Léon, maintenant, je pense que beaucoup de voix vont commencer à s'élever en disant mais qu'est-ce qu'il a fait pour Donovan Mitchell? Parce que là, maintenant, qu'on c'était prévisible. Ça pouvait être dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que là, en fait, DM est en train de tout cartonner à Cleveland. On parle de lui dans la course au MVP. Et on voit RJ Barrett qui, lui, bon, hélas, mais n'est pas le mec Les pour montagnes l'instant russes. qu'on espère. Ouais. Et donc forcément, ben là, ben c'était sûr que là, il va y avoir des gens qui vont dire, mais attendez, qu'est-ce que fout le front office? On a eu des opportunités, ils l'ont pas fait. Là, maintenant, on commence à entendre des bruits sur aussi Shai Gilgeous, ah, machin. Ouais. Donc, oui, je pense que c'est du vent. Mais je pense que Anthony Léon. Davis, Anthony Davis. Oui, on l'a entendu aussi. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, Léon Rose va devoir arrêter de se cacher et de peut-être prendre un peu la parole. Parce que c'est bien sympa d'aller discuter sur la chaîne du MSJ. Ça serait peut-être bien aussi de faire des vraies conférences de presse où il va y avoir des questions dérangeantes et sur lesquelles il ne pourra pas s'échapper. Parce que Léon Rose, moi, C'est pas un homme de médias, ça on le sait. Il y a Ouais, des, il y a mais peut-être des présidents qui sont un peu plus il présents. a des comptes à rendre. Il en aura, et pour sûr, s'il fait sauter ce fusible Tom Thibodeau, il va être beaucoup plus exposé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc il y a peut-être aussi une situation où préfère attendre. De toute façon, même si Tom Thibodeau va au bout de cette saison, la question se posera à la fin Bon. de savoir s'il est prolongé ou pas. Moi, je Après, pense si tu pas. prends une solution, si tu le fais sauter aujourd'hui, c'est pas, je pense, pour débarquer un coach des Kenny Atkinson, des Oui. Dave Yorger, des Quinn Snyder. Ça, c'est bien, ça fait rêver, ça fait fantasmer certains. C'est compliqué d'arriver, d'être parachuté en milieu de saison avec un effectif que t'as pas aidé à construire. Il y a des joueurs qui ont des contrats qui sont ainsi installés. Ça va être compliqué de bouger tout ça, de bouger toutes les pièces du puzzle. C'est Tom beaucoup trop Thibodeau, gros. c'est le fusible facile à faire sauter. Moi, je pense que c'est un bon coach. Après, effectivement, il n'a pas les résultats, il n'a pas la philosophie de jeu, il n'a peut-être pas les joueurs aujourd'hui pour arriver à faire ce qu'il aimerait faire. Donc c'est compliqué. Le faire sauter, très bien. Donc la solution, elle viendra pas de l'extérieur. En cours de saison, ce sera plutôt une solution interne. Du Ouais. Johnny Bryant, pourquoi pas, pour voir ce qu'il va faire. Mais clairement, le starting five, ne serait-ce que ça, où c'est censé être tes meilleurs joueurs, ceux qui vont jouer le plus de temps, il va pas le révolutionner. Il va garder Bah. le même. Je vois pas qui. Il va pas nous mettre du coup Tu, clé euh, tu, tu, meneur et mettre Brunson et, sur le banc, quoi. et, et, tu, Enfin. et tu, tu le vois arriver, le mec. Bon, Julius, c'est fini, en fait. Hein, tu joues plus. Alors, c'est ta Je vais première. Pre titulariser Obi, Voilà, ouais, c'est ta bon. première contrat, tu vas être son backup. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est fantasmé en se disant, ah ben il faut le trader. Les gars, on n'est pas sur Touquet. On ne peut pas faire proposer trade et en regardant, ah, il propose ça. Mais non, ça ne marche pas comme ça. En ce moment, il n'a pas, Julius n'a pas une cote de fou. Et il disait dans une émission de Knicks Fan TV qu'ils avaient eu une proposition avant Ouais. trade pour Julius. Une proposition avant trade, avant le Donc ça draft, se pardon, ça, avant ça draft se ça pour se Julius. bouscule pas, ça se Ça se bouscule pas. bouscule Donc il y a pas. Julius dont la tête est réclamée, alors que il fait du Juice, il fait du Juice. Il a des qualités comme il a des défauts. Ses défauts sont ressortis, exacerbés et des fois amplifiés à un peu, À l'excès. Il faut arrêter les gens. Les gens, Julius ne sait pas jouer au poste. Il a un body de malade. Il pourrait enfoncer tout le monde, mais il se croit Steph Curry. Bon, il faut l'accepter, malheureusement. Alors, des fois, il va bully. Des fois, ça va rentrer, et tant mieux. Des fois, il a un flash. Des fois, il se dit, ah, putain, je suis énorme, en fait. Mais regardez comme je suis gros, regardez comme je suis fort. Je peux défoncer tout le monde. Et là, en fait, il va défoncer tout le monde. Il va marquer avec rage, tu sais, à l'intérieur. Mais ça va être une séquence. Et donc, ça, vous le savez, les gars. Le type pense qu'il est Steph Curry qui met des step back comme ça et qui chimique, voilà. Non. Bah, Steph Curry, on est dans l'exagération, mais aujourd'hui, oui. Il est en capacité de prendre des shoots. Il y a des soirs où ça rentre pas. Il va être à 4, 5, 7 tirs à 3 points. Il va les prendre. Et si ça rentre, il va tenter de les prendre. Sur les derniers matchs, il passe un peu à côté contre Détroit. Il passe un peu à côté contre Détroit, mais sur les derniers matchs, il était à 50% les mecs à 3 quand même. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Il y a encore. Donc forcément, quand t'es en confiance, t'as envie d'en reprendre d'autres. Et puis ça écarte un peu le jeu et tout. Donc un stretch four, c'est pas un gros mot en NBA en 2022, quoi. Mais c'est vrai que le Julius version 2019-2020, je crois que c'est ça. Ouais, oui, c'était ça. Quand il est MIT, ouais. C'est vrai qu'il jouait plus dans la raquette. Il prenait quelques tirs à 3. C'est souvent casse-croûte. Mais c'est vrai que plus souvent, quand même, il jouait dans la raquette, il imposait son style. Là, il le fait moins, il a envie de shooter à 3. Bon, est-ce que là, cas de figure, est-ce qu'on a un Johnny O'Brien qui va le faire venir dans le bureau? Bon, Julius, assis-toi, faut qu'on parle. Bon, arrête tes conneries, c'est fini le tir à 3. Est-ce que écoute, clairement... moi, je suis coach intérimaire et je vais te dire comment jouer, quoi. Bah, écoute-moi bien, je t'ai dit que c'était pas comme ça. Bon, le mec, il va lui dire, t'es sympa, mais en juin, Coco, t'es plus là. Donc, papa, il fait ce qu'il veut. Donc, Voilà. Non, mais c'est une réalité, en fait. C'est ça, en ça, où un changement de coach, il faut pas se méprendre. Oui, ça peut être un électrochoc nécessaire et utile. À voir à quel moment de la saison il faut le faire. Est-ce qu'il faut le faire tout de suite on se laisse du temps et on verra. Et au pire, ça sera la loterie. Par contre, les Knicks, ils vont pas tanker. Hein. Faut pas croire qu'on va mettre tout le monde et puis viser Victor, hein, même s'il fait. Et puis j'ai envie de dire 14%. N'oubliez pas 14%. J'ai envie de dire un truc. Laissez-le faire ses stats, parce que s'il fait des grosses stats, il aura peut-être une plus grosse valeur. Donc s'il tourne à 24 points, 8 rebonds et machin, peut-être qu'en juin on peut le trader. C'est pour ça, laissez-le faire des stats. Non, mais effectivement, même ne serait-ce que pour le trade, il faut que ça intéresse des équipes. C'est pas un profil que tu arrives à échanger facilement dans une équipe. Et puis son contrat prend de la place quand même. Enfin, c'est pas... un petit peu, même s'il est pas. Voilà, il y a des contrats beaucoup plus gros qu'on est. Oui, mais chez un contender, parce que des fois on nous parle, oui, chez un contender. Mais attends, chez un contender, les mecs ils payent déjà la luxury tax. Ils peuvent pas le récupérer, c'est pas possible. Oui, donc, et puis il faut être en capacité de pouvoir intégrer un joueur de ce type, de ce profil. Dans une rotation, c'est pas rien. C'est pas un mec que tu mets dans le corner et puis voilà. Donc ça, la situation. On a parlé de Thibodeau, on a parlé de Julius. Il y a également la situation d'Evan. Evan qui est benché, auquel il lui reste des années de contrat. On sait ce qu'il peut apporter. On a vu son côté shooter. Lui pourrait peut-être trouver une porte de sortie, même si ça va pas être si évident que ça. Là, ces dernières sorties, même qu'on lui redonne un petit peu de temps de jeu, il est plus du tout en confiance. On a de la peine pour lui. On a beau l'aimer ou le détester pour certaines prises de position, certaines prises de parole, pour son. Oui, surtout qu'en plus c'était un mec des fois un peu léger. C'était un mec qui voulait jouer pour les Knicks. C'est un bon gars, c'est un pro et. Il voulait jouer pour les Knicks en plus. C'est un mec, ça a toujours fait rêver de jouer pour les Knicks, donc c'est sûr que de l'avoir comme ça. L'aventure, ouais. Les histoires d'amour, comme on dit, ça finit mal des fois. Ouais, mais la chose, c'est que les profils comme ça, à NBA, ce qu'ils vont rechercher, c'est un mec à la PJ Tucker, à la Danny Green à l'époque, à la Jay Crowder, c'est-à-dire un type qui peut jouer des deux côtés du terrain, qui va te mettre des trois. Exactement, des trois décisifs. Quand il est ouvert, tu sais que ça fait filoche, mais également qu'il va tenir son mec. Evan, bon, là, il a une panne d'adresse parce que je pense que ça va, c'est une situation pas facile à vivre. Mais le problème, c'est que d'autre côté du terrain, c'est très compliqué, il est souvent ciblé. Donc, ses problèmes, c'est qu'il doit jouer à côté d'un mec qui va le couvrir. Donc, est-ce que ça aussi, parce qu'on me dit, oui, les Lakers ont besoin de ce genre de mec. Ok, oui, les Lakers ont besoin de tir à 3, mais ils ont aussi besoin de défense. Et parce que chez les Lakers, voilà, t'es à ce moment, t'es quoi? T'es à 3-10. Donc, ils ont besoin un peu de Ils auraient bien tout, aimé mais. récupérer Cam Reddish et je pense qu'on a bien fait de le garder pour l'instant. Par contre, Pour voilà. l'instant, ouais. Mais Evan, le problème, c'est que oui, c'est un très bon attaquant. Je pense que de la ligne arrière, c'est des entre guillemets, pas des stars, hein, pas de RG, pas de GB. Mais je pense que c'est le meilleur attaquant des autres, c'est le meilleur attaquant que IQ, que Reddish. Mais le problème, c'est que ben, il C'est n'amène sa pas défense cette. le pénalise. Ouais. Exactement. Et c'est exactement ce qu'on explique dans Et son l'article côté athlétique. avec les chiffres à l'appui. Le problème, c'est que, ben, c'est que ses opposants marquent plus quand ils affrontent Evan que lorsqu'ils affrontent IQ, qui est très sous-estimé d'ailleurs, ou qu'ils affrontent Cam Reddish, quoi. Le problème, c'est que, ben, y a à un moment donné, il y a ce qui s'appelle le on-off. Hein, ça se trouve partout, ça. Le on-off, vous le trouvez sur Basketball Référence. Et vous le voyez en fait quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain. Vous pouvez regarder un peu tous les joueurs. Vous pouvez faire vos propres analyses, c'est-à-dire regarder l'usage rate. L'usage rate, c'est le nombre de possessions qu'un joueur va jouer, le nombre de ballons que le joueur va jouer. Le PER, vous pouvez regarder le PER. Le PER, c'est à peu près c'est l'impact qu'un joueur va avoir sur le match. La moyenne est à 15. Donc forcément, si tu as un joueur à moins de 15, c'est qu'il est en dessous de la moyenne, donc c'est qu'il n'est pas terrible. Et quand il y en a dans le négatif, c'est encore moins bon. Voilà, bon, spoiler, RJ Barrett est à 11. Et que quand il est au-dessus du 15, eh ben c'est un joueur qui pèse sur un match, et c'est un joueur en tout cas qui amène quelque chose à un match. Voilà. Alors Donc, du coup. justement, je vais te poser une colle ou pas une colle, puisque tu Ouais. nous fais ce petit tuto data. Est-ce qu'on a des joueurs des Knicks qui sont avec un PER au-dessus de 15? On a Brunson qui l'a. On a Brunson qui est là. Mais je peux te faire un petit point rapidos, tiens, si tu veux, parce que j'ai Basketball en référence, il est quasiment toujours ouvert sur T'as mon. 10 secondes. J'ai 10 secondes, vite! Donc, Julius, Julius, quel est son PER? je vais te dire immédiatement. Je vais te dire immédiatement. Hop. Alors, bam. Je Parce te que le dis. Julius est, voilà, est pointé du doigt et il fait des matchs où il passe Alors, à travers. juste au stade avancé, actuellement, donc, on a un John Brunson qui est à 20. Qui a 20, pour un taux Quand d'usage je à vous dis que 23. c'est le baromètre. Pour un taux d'usage à 23. C'est-à-dire qu'il touche quand même pas mal de ballons. Alors, c'est pas un Luka Doncic hein, Normal, qui en c'est un touche meneur, 30, c'est un qui en meneur. touche. Voilà, mais il a un PER à 20,6. On a un Mitchell Robinson à 18,2, un Julius Randle à 17,7, un Obi Toppin à 17,5 et un RJ Barrett à 12,9. Et Donc RJ voilà, bon, ces Barrett impressions où on se dit il y a de la et stat, RJ Barrett. mais il n'y a pas Et l'impact, il n'y a pas la. j'enlève les Trevor Kills et les Zvi Mahiroulou parce que Oui. c'est des mecs qui jouent. Donc forcément, ils ont un taux d'usage monstrueux, mais c'est par rapport au garbage. RJ Barrett est le deuxième usage rate de l'équipe. Et il a un Mais peu. en production, c'est pas celui qui produit le Et plus, le problème, c'est malgré ses ça. stats. Le problème, c'est ça. C'est Bon, que on va pas c'est. tirer tout de suite des conclusions hâtives sur Barret sur côté, nananana. Non, Mais c'est le joueur de notre équipe, c'est un bon allez voir talent des. et il est Allez jeune voir des. encore. Si vous voulez vous lancer un petit peu dans le décryptage, allez voir des vidéos de Blight quand il explique bien, vous comprenez tout. Moi, je me suis fait une petite fiche mémo pour justement bien comprendre les choses. Et vous allez voir, en fait, ce que vous allez. Parce qu'on va me dire, oui, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Oui et non. Là, vous allez voir que ce que vous avez comme ressenti, c'est retranscrit sur papier, en termes de data, voilà, des 0 ou des 1. Et là, en fait, ben, c'est clairement ça. Vous voyez, et après, vous arrivez à analyser et à voir vraiment, et ne plus raisonner par la passion ou parce que ben, c'est un joueur que vous aimez, et vous pouvez raisonner parce qu'en fait, vous comprenez que ce mec-là, finalement, moi, RJ, je l'aime énormément, mais ça fait 3 ans maintenant, plus maintenant, le début de saison, c'est un mec qui ne pèse pas. Et il va falloir qu'il franchisse ce cap, sinon, à un moment donné, son contrat sera compliqué. Donc, voilà. Voilà, le basket, c'est pas un tableau Excel, comme diraient d'autres, Non, mais ça aide quand même à comprendre, c'est Jacques Monclar qui dit ça. Ouais, ça aide c'est. quand même à comprendre deux trois choses et relativiser aussi les perceptions qu'on a. Bon, écoutez, c'était un bon épisode, il y avait beaucoup de choses à se raconter, à dire. Je pense que la semaine prochaine va être encore un petit peu chargée. Sortez On vos vous a caps, partagé. mettez-vous sous la table. On a partagé un nouveau contenu la semaine dernière, ça s'appelle Knicks and Connect. C'est un début de série où on va retrouver des références des Knicks, de la culture Knicks, dans le monde de la mode, de la musique, du cinéma, tout ça. Donc c'est une nouvelle série que vous allez découvrir sur KNFTV, donc il y aura des petits épisodes qui vont arriver petit à petit. L'épisode 1, bah, c'était quoi? C'était tout simplement les connexions avec la marque Kiss et les quelques rappeurs qui ont freestylé sur le parquet du Madison Square Garden. Madison Square Garden sur lequel on ira fouler nos pieds en février prochain pour le KNF Mecha Trip. Les gars, les inscriptions sont terminées. Les heureux voyageurs pourront avoir cette fan expérience, comme des gars de Dipset, comme les gars du Wu-Tang ou de Lox. Voilà, on pourra aussi aller freestyler, si vous voulez, sur le parquet du Madison Square Garden. Je pense que la semaine va être compliquée, va être chargée, va être difficile émotionnellement parlant. Donc, c'est pas improbable que vous ayez un autre petit contenu, tendance histoire et tout. Voilà, pour faire tomber un peu la pression ce jeudi sur KNFTV. Donc voilà, mettez la petite cloche pour être sûr de recevoir la notification qui va bien quand la vidéo tombe. Voilà. Et n'hésitez pas à liker. Les pouces et tout. Exactement. Le petit pouce pour le référencement. Voilà, c'est important. Ça coûte rien, un petit pouce. Alors, ouais, j'ai entendu une formule. Le premier mois est gratuit et les autres aussi. Alors allez-y, quoi. C'est... Et comme je dis, quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. Très bon, très bon, très bon. Par contre, Kiss, moi, c'est pas trop dans mes prix. Mais bon, passons. Ouais. Voilà, une belle semaine. N'oubliez pas, KNF Viewing Party dimanche, c'est également gratuit. Bon, après, les consos, faut payer vos consos quand même, les gars. Hein. Et des fois, ça permet de faire passer la douloureuse d'un match qui peut être un peu compliqué. D'ici là, portez-vous bien, soyez forts, soyez psychologiquement prêts à affronter cette semaine. On va encore débattre d'Enix, on va débattre de Julius, des Vannes, de RJ, de Tibbs, de tout le monde. Peut-être que l'équipe aura complètement changé, elle va déménager, je ne sais pas. En tout cas, on sera là pour suivre, pour réagir, pour interagir avec vous. Voilà, même les trollers, on leur répond. Donc, bien sûr. Voilà. Gardez, il faut garder la tête froide. Portez-vous bien, let's go Nyx, et puis à très bientôt sur KNFTV. Ciao, ciao! Salut Joanie, salut à tous. Salut Joanie, salut. À très bientôt. Ciao.